Je suis une fleur, je suis une petite fleur. Je suis plus douce qu'un jardin, et je sens bon dès le matin. Qui suis-je? C'est moi. Tu es une fleur, tu es une belle fleur. Tu es plus douce qu'un jardin, et tu sens bon dès le matin. Qui es-tu? C'est toi. Nous sommes des fleurs, nous sommes